Chapitre 22e. Imbécilité. Le soir, Karim reçoit sur son portable un message. Il provient de Zahra. « J'ai besoin de te voir le plus tôt possible. » Alarmé, il répond « Quand et où ?» Un autre message lui indique l'endroit et le moment. Par chance, Karim est libre de son service à l'hôpital. « D'accord, » répond-il. Le lendemain, à 10h du matin, le véhicule de Karim longe le front de mer. La circulation n'étant pas nombreuse à ce moment, le conducteur jette de temps en temps un regard vers l'extérieur. « Ah, comme j'aimerais me promener avec Zahra ici, avant le coucher du soleil, pour bien conclure une journée. » En effet, l'endroit offre à la vue un panorama vraiment magique, quel que soit le temps et la saison, par ciel clair et dégagé comme en présence de nuages. Même quand il pleut, Karim aime, protégé d'un parapluie, se promener sur le large trottoir longeant la mer, en écoutant la musique de la douche du ciel, comme il la nomme, sur son parapluie et par terre. Parfois, si la pluie est toute légère, le promeneur préfère la recevoir sur le visage, jouissant des gouttelettes ruisselantes sur ses joues. Ce plaisir singulier vient à Karim de loin. Dans sa première enfance, en été, il aimait aller dans la rue, se dévêtir complètement et danser sous la pluie avec ses petits amis. Il en était si heureux. La bonne âme qui était sa mère ne s'en offusquait pas. Au contraire, elle admirait son enfant en lui déclarant « Je sais que tu es mon enfant spécial. » Karim admire également la vue des élégantes mouettes blanches dans l'azur, chantant et dansant leur plaisir de vivre. Elles incitent les bienheureux amoureux à goûter leur bonheur et les malheureux candidats à l'exil à espérer en un départ salutaire. Quant au port, sa vue inspire chaque fois les départs déchirants mais pleins d'espoir des émigrés et le retour émouvant mais amer en constatant l'effarante régression sociale. Un jour, au crépuscule, Karim était accoudé sur la balustrade métallique longeant la promenade du front de mer. Le ciel, la mer, l'air, le soleil, la lumière présentaient un bouleversant panorama de magnificence à en pleurer de bonheur. Le spectateur eut cette réflexion. Je comprends pourquoi les colonialistes se sont battus avec les plus extrêmes énergies et rage pour ne pas quitter ce merveilleux pays. À ce propos, Sélafide avait fourni une information à Karim. Durant la colonisation, Oran était l'unique ville d'Afrique du Nord où le pourcentage d'Européens dépassait celui des indigènes. « Les colonialistes, déclara Sélafide, savaient bien apprécier les meilleurs endroits du pays pour s'y installer en chassant les autochtones. En voyageant dans tout le pays, en contemplant ses monts et ses plaines, ses côtes maritimes et son désert, ses hauts plateaux et ses vallées, ses forêts et ses steppes, alors on comprend l'acharnement des envahisseurs à vouloir rester maîtres du pays. » On comprend la cruauté inouïe qu'ils ont employée pour combattre nos patriotes. Si les capitalistes tenaient aux ressources naturelles et à faire suer le burnous de l'indigène pour s'enrichir, les Européens ordinaires, eux, adoraient ce paysage, inexistant dans leur pays d'origine. Voilà ce qui explique encore aujourd'hui, d'une part, la profonde douleur des pieds noirs sevrés de leur paradis, et d'autre part, le rancunier et haineux ressentiment des fascistes parmi eux qui espéraient jouir d'un Éden en nous rejetant dans des réserves indiennes. Sélafide conclut. Si les pieds noirs ordinaires avaient été intelligents et généreux, ils auraient reconnu leur dette envers le peuple que leurs ancêtres avaient injustement envahi, criminellement maltraités et sauvagement spoliés. Alors ces pieds noirs auraient combattu eux aussi pour l'indépendance et l'égalité avec leurs coreligionnaires autochtones. Alors, une fois la libération acquise, il sera resté pour édifier ensemble une société de liberté et de solidarité. Car notre peuple, quoi qu'on en dise, est hospitalier et généreux, à condition d'être respecté. Mais extrêmement rares furent les descendants des envahisseurs à reconnaître leurs dettes, même parmi leur élite intellectuelle, se proclamant démocrate, dont l'un reçut un prix Nobel, et où il eut le culot de déclarer préférer sa mère à l'indépendance du pays dont il se croyait le légitime habitant. Sur le visage de Sélafide se dessina un voile sombre. Il murmura « Les dominateurs et ceux qui en profitent sont toujours et partout des imbéciles. Oui, des imbéciles. Car même si en obtenant le prix Nobel, ils ne comprennent pas la contre-violence manifestée par leurs victimes, en réaction de l'impitoyable et criminelle violence exercée contre ces victimes par leurs exploiteurs. » Sélafide demeura un instant silencieux. En regardant Karim, il sentit la nécessité d'expliquer davantage. « Oh, je n'éprouve aucune haine ni aucun mépris pour ces rapaces humains, qu'ils soient tigres ou hyènes, mais une sorte de compassion. Oui, de compassion. car ils étaient des handicapés, leur cœur manquait totalement de générosité, et par conséquent leur cerveau d'intelligence, de là leur ruine finale et la rancœur torturant leur âme jusqu'à la tombe. Karim admira chez son vieil ami cette capacité de comprendre sans haïr. « En effet, se dit Karim, à quoi bon la haine ? L'important est de comprendre, puis de trouver la solution. »